lecture et relecture. La chronique de Jacques Rigaud sur Canal Académie. Si je devais donner un titre à cette chronique et à celle qui suivra, je les intitulerais « De la méchanceté en littérature ». L'idée m'en est venue en entendant parler d'un livre que je n'ai pas lu et que je n'ai pas envie de lire, dont la presse n'a retenu que des portraits extrêmement méchants et durs, et il y en a pour tout le monde. C'est un livre de Madame Ségolène Royal, qui s'appelle « La femme debout », je crois, et où, de Sarkozy à Rocard, en passant par bien d'autres, nous avons droit en effet à des portraits extrêmement cruel, ou qui voudrait l'être, de ces personnages. Et je me suis dit, en lisant dans les hebdomadaires ces extraits qui m'ont suffi, qu'il fallait vraiment, si l'on veut être méchant dans l'écrit, avoir beaucoup de talent. Et comme cette série de chroniques s'appelle « Lecture et relecture », ça m'a donné envie de reprendre notre littérature et d'y trouver, pour la délectation de nos auditeurs, des portraits qui sont des modèles d'abord de qualité de la langue française, vous allez en juger vous-même, et des chefs-d'œuvre de méchanceté. C'est bien sûr le cardinal de Retz, qui est une de mes lectures favorites, qui m'a le plus inspiré. Je commence par un mot court. Mademoiselle de Vendôme avait très peu d'esprit, mais il est certain qu'au temps dont je vous parle, sa sottise n'était pas encore bien développée. Ou bien, Madame de Montbazon était d'une très grande beauté. La modestie manquait à son air. Sa morgue et son jargon eussent suppléé, dans un temps calme, à son peu d'esprit. Elle eut peu de foi dans la galanterie, nulle dans les affaires. Elle n'aimait rien que son plaisir et, au-dessus de son plaisir, son intérêt. Je n'ai jamais vu personne qui eût conservé dans le vice si peu de respect pour la vertu. Monsieur de Longueville avait de la vivacité, de l'agrément, de la dépense, de la libéralité, de la justice, de la grandeur. Il ne fut jamais qu'un homme médiocre parce qu'il eut toujours des idées qui furent infiniment au-dessus de ses capacités. Mazarin, c'est un extrait du portrait de Mazarin. Il s'aimait trop, ce qui est le naturel des âmes lâches. Il se craignait trop peu, ce qui est le caractère de ceux qui n'ont pas de soin de leur réputation. Et ce portrait de Richelieu, ou cet extrait du portrait de Richelieu, qui semble directement tiré de Machiavel, Richelieu distinguait plus judicieusement comme du monde entre le mal et le pis, entre le bien et le mieux, ce qui est une grande qualité pour un ministre. Il allait au bien ou par inclination ou par bon sens, toutefois que son intérêt ne le portait point au mal qu'il connaissait parfaitement quand il le faisait. Enfin, il faut confesser que tous ces vices ont été de ceux que la grande fortune rend aisément illustres, parce qu'ils ont été de ceux qui ne peuvent avoir pour instrument que de grandes vertus. Et le portrait d'Anne d'Autriche, qui est sans doute le plus sévère de tous, la reine avait plus que personne que j'ai jamais vu de cette sorte d'esprit qui lui était nécessaire pour ne pas paraître sotte à ceux qui ne la connaissaient pas. Elle avait plus d'aigreur que de hauteur, plus de hauteur que de grandeur, plus de manière que de fond, plus de libéralité que d'intérêt, plus d'intérêt que de désintéressement, plus d'attachement que de passion, plus de dureté que de fierté, plus de mémoire des injures que des bienfaits, plus d'intention de piété que de piété, plus d'opiniâtreté que de fermeté, et plus d'incapacité que tout ce que dessus. Monsieur le duc d'Orléans avait, à l'exception du courage, tout ce qui était nécessaire à un honnête homme, mais comme il n'avait rien, sans exception, de tout ce qui peut distinguer un grand homme, il ne trouvait rien dans lui-même qui pût ni suppléer, ni même soutenir sa faiblesse. Comme elle régnait dans son cœur par la frayeur, et dans son esprit par l'irrésolution, elle salit tout le cours de sa vie. Il entra dans toutes les affaires, parce qu'il n'avait pas la force de résister à ceux qui l'y entraînaient pour leurs intérêts. Il n'en sortit jamais qu'avec honte, parce qu'il n'avait pas le courage de les soutenir. Cet ombrage amortit dès sa jeunesse, en lui, les couleurs même les plus vives et les plus gaies, qui devaient briller naturellement dans un esprit beau et éclairé, dans un enjouement aimable, dans une attention d'intuition très bonne, dans un désintéressement complet et dans une facilité de mœurs incroyable. Et puis, s'agissant de Rez et de cette période, j'ai gardé pour la fin les portraits croisés de La Rochefoucauld par le cardinal de Rez et de Rez par La Rochefoucauld. Du portrait de La Rochefoucauld par Rez, j'extrais ceci, c'est le début du portrait. Il y a toujours eu du « je ne sais quoi » en Monsieur de La Rochefoucauld. Il a voulu se mêler d'intrigues dès son enfance, et dans un temps où il ne sentait pas les petits intérêts qui n'ont jamais été son faible, et où il ne connaissait pas les grands qui, d'un autre sens, n'ont pas été son fort. Il n'a jamais été capable d'aucune affaire, et je ne sais pourquoi, car il avait des qualités qui eussent suppléé en tout autre celles qu'il n'avait pas. Sa vue n'était pas assez étendue, il ne voyait pas même tout ensemble ce qui était à sa portée. Mais son bon sens est très bon dans la spéculation, joint à sa douceur, à son insinuation, à sa facilité de mœurs qui est admirable, devait récompenser plus qu'il n'a fait le défaut de sa pénétration. Quant au même cardinal de Rez, vu par La Rochefoucauld, voici ce que cela donne. Je ne donnerai que des extraits. Le début, Paul de Gondi, cardinal de Rez, a beaucoup d'élévation, d'étendue d'esprit et plus d'ostentation que de vraie grandeur et de courage. Sa pente naturelle est l'oisiveté. Il travaille néanmoins avec activité dans les affaires qui le pressent et il se repose avec nonchalance quand elles sont finies. Il a une grande présence d'esprit. Il sait tellement tourner à son avantage les occasions que la fortune lui offre qu'il semble qu'il les ait prévues et désirées. Il aime à raconter, il veut éblouir indifféremment tous ceux qui l'écoutent par des aventures extraordinaires, et souvent son imagination lui fournit plus que sa mémoire. Il est faux dans la plupart de ses qualités, et ce qui a le plus contribué à sa réputation est de savoir donner un beau jour à ses défauts. Il est insensible à la haine et à l'amitié, quelque soin qu'il ait de pris de paraître occupé de l'une et de l'autre. Il est incapable d'envie et d'avarice, soit par vertu, soit par inapplication. Il a plus emprunté de ses amis qu'un particulier ne pouvait espérer de pouvoir leur rendre. Il a senti de la vanité à trouver tant de crédit et à entreprendre de l'acquitter. Il n'a point de goût ni de délicatesse. Il s'amuse à tout et ne se plaît à rien. Il évite avec adresse de laisser pénétrer qu'il n'a qu'une légère connaissance de toute chose. La retraite qu'il vient de faire est la plus éclatante et la plus fausse action de sa vie. C'est un sacrifice qu'il fait à son orgueil sous prétexte de dévotion. Il quitte la cour où il ne peut s'attacher et il s'éloigne du monde qui s'éloigne de lui. J'ai également recherché dans le théâtre du XVIIe siècle de ces exemples de chefs-d'œuvre de méchanceté. J'en ai trouvé, bien sûr, dans le Misanthrope. À l'acte 2, Célimène est en conversation avec les petits marquis Acaste et Clitandre qui s'ingénient à faire dire du mal par Célimène de certains de leurs amis. Et ça donne, par exemple, pour Timanthe, C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère qui vous jette en passant un coup d'œil égaré et sans aucune affaire est toujours affairé. Tout ce qu'il vous débite en grimaces abonde. À force de façon, il assomme le monde. Sans cesse, il a tout bas, pour rompre l'entretien, un secret à vous dire, et ce secret n'est rien. De la moindre vétille, il fait une merveille, et jusqu'au bonjour, il dit tout à l'oreille. Et voilà pour Gérald, oh l'ennuyeux conteur! Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur. Dans le brillant commerce, il se mêle sans cesse et ne cite jamais que duc, prince ou princesse. La qualité l'entête et tous ses entretiens ne sont que de chevaux, d'équipage et de chiens. Il tutoie en parlant ceux du plus haut étage et le nom de monsieur est chez lui hors d'usage. Voilà ce que donnait la charité chrétienne au XVIIe siècle. Dans la prochaine chronique, nous parlerons du XXe siècle, mais enjambons les siècles, je citerai un seul mot du XIXe siècle, qui est dans les mémoires du comte Molé, et qui concerne le vicomte, l'auteur des mémoires d'Outre-Tombe. Molé dit ceci, « Ce qui m'a toujours étonné chez M. de Chateaubriand, c'est sa très grande capacité à s'émouvoir sans jamais rien ressentir. » Voilà pour la méchanceté du passé. La prochaine fois, nous parlerons de la méchanceté de notre temps.